petite est comme l'eau, le chat et la souris, les guilis dans le dos, tout ça est bien fini aujourd'hui. Malgré le temps, je ne peux renoncer à ces joies innocentes qui ont fait ces années. Les belles journées d'hiver courant en mitouflet, mes frères refusant de rentrer. Les cabrioles sur la plage comme le voulait toujours l'usage de chacun ces étés. Je pense à ces instants de l'enfance où l'heure n'a pas d'odeur. Désormais suspendu à ma montre, j'ai peur de la fin de mes rencontres imaginaires. Pourvu qu'elles se fassent pas la malle au pays des merveilles, qu'elles me laissent pas en rade en portant mon soleil. Me laisse pas en panne sans secours sur une aire, ma petite souffleuse de rêve. Jour après jour, on rencontre la vie, des suravis, on chasse encore le naturel. Malgré tout, c'est le regret qui me noue. L'enfance me court après, je ne pourrai jamais rien sans elle. Mal au pays des merveilles, qu'elle me laisse pas en rade en portant mon soleil. Pourvu qu'elle me laisse pas en panne sans secours sur une aire, ma petite souffleuse de rêve. De vouloir avancer, lui être infidèle. On croit en savoir plus quand on est grand. Ce sont pourtant d'autres contes pour enfants qui nous promettent.